Eh. Punk, punk. C'est juste une introspection, mon ref. Écoute. Je suis perdu quand je commence à penser. J'ai brûlé des cartes sur ma lancée. Je galère à mettre un pied devant l'autre, mais cette pute de chance m'a invité à danser. C'est une mauvaise blague, j'ai du mal à sourire. Depuis quelque temps, j'ai du mal à m'ouvrir. Vu qu'être heureux, c'est risquer de souffrir. J'ai vu des larmes se cacher dans un soupir. Vu tout ce que j'écris, j'aurais dû faire un livre. C'est vrai qu'entre tout, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ma gamine va peut-être me relire. Je voudrais pas qu'elle voie son père s'autodétruire. Beaucoup de gens voudront te voir dans la merde. Et pour ça, t'inquiète pas, ils te tendront la main. Y'a plus d'intérêt à te regarder perdre. Ça nourrit leur ego et crois-moi qu'ils ont faim. Me demande pas ce que la vie nous réserve. J'ai du mal à prendre soin de moi. Et j'avoue que j'en pleure des fois. Vu qu'on a dû faire des choix. On a tellement perdu, on a tellement peu gagné. Mais pourquoi te plaindre quand t'as pas fait ce qu'il fallait? Préfère fumer de la merde cellophanée que d'arroser des rêves qui finissent par faner. Les idiots de ma ville ne veulent pas faire d'argent. Se lèvent tous les matins juste pour 1200. Retour de bâton quand la gueule trop descend. Dépression chronique, train de vie indécent. Je vois le mauvais œil que peuvent porter les gens. On m'a dit le rap ça peut faire des légendes. La pas du buzz attire toujours l'argent. Et pour l'argent beaucoup ouvrent les jambes. Des poteaux d'enfants qui sont devenus bizarres. Évite les regards quand on se croise à la gare. Tu vas dans leur sens, ils te suivront partout. Mais défie juste un peu, ils te traiteront de fou. Si t'as des projets mais que n'en ont pas, inconsciemment ils t'emboîteront le pas. Faut pas jalouser ceux qui démarrent en bas. Faut toujours le pousser si tu dis que c'est ton gars. Mais bien trop de traîtres, mon dos est devenu une cible. Des frissons quand le téléphone vibre. Peut-être je vais me faire allumer devant chez moi. Je sais que c'est des choses qui arrivent, mais je suis pas assez bête pour me trimballer dans la ville en toute connaissance de mes choix. Je sais que des vautours sont là et attendent patiemment que je me trompe de voix. Après la guerre viendra la paix. Mais moi j'attends toujours la guerre, j'ai jamais vu la paix. Je sais même pas quoi faire, elle m'a jamais appelé. J'ai tenté de faire le bien. Les grands m'ont dit de faire le mal. Si t'es trop gentil, on te volera tes biens. Si tu leur fais peur, tu verras qu'ils avalent. Après la guerre viendra la paix. Mais moi j'attends toujours la guerre, j'ai jamais vu la paix. Je sais même pas quoi faire, elle m'a jamais appelé. J'ai tenté de faire le bien. Les grands m'ont dit de faire le mal. Si t'es trop gentil, on te volera tes biens. Si tu leur fais peur, tu verras qu'ils avalent. Plus rien à faire de vos beaux discours. Chacun fait ses affaires, chacun voit son tour. J'suis pas venu sur terre pour finir au four. J'préfère vivre de colère que de crever d'amour. À 24 ans, j'suis fermé, je fais le sourd. J'ai connu la misère, gros, mon cœur est lourd. Sortir de nos galères, on a rien fait pour. Tu dis que t'as besoin d'air, donc pourquoi tu cours? Y'a des idées trop noires qui rendent les nuits blanches. Et y'a des nuits trop blanches qui font broyer du noir. Moi, j'voulais voir à quoi ressemblent les anges. Mais j'crois bien que les anges ne voulaient pas me voir. Du coup, dans le doute, j'ai accepté mes démons. Les seuls qui m'écoutent quand j'arrive dans les tréfonds, peut-être qu'ils m'aideront à démon. Peut-être qu'à cause de je vais bientôt perdre la raison. J'suis perdu quand je commence à penser. J'ai brûlé des cartes sur ma lancée. Je galère à mettre un pied devant l'autre, mais cette pute de chance m'a invité à danser. C'est une mauvaise blague, j'ai du mal à sourire. Depuis quelques temps, j'ai du mal à m'ouvrir. Vu qu'être heureux, c'est risquer de souffrir. J'ai vu des larmes se cacher dans un soupir. Vu tout ce que j'écris, j'aurais dû faire un livre. C'est vrai qu'entre tout, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ma gamine va peut-être me relire. Je voudrais pas qu'elle voie son père s'autodétruire. Punk, punk.